Exercice 4, page 100. Un bain. Instinct. 25. Train-train. Enfant. Lentement. Entendre. Ensemble. 50. Instant. Vincent. Maintenant. Enfin. Enceinte. Emprunt. 35.